Un petit rond dans mon café, un peu de miel dans mon tarpé, pour aciduler mes humeurs, pour voir dégouliner mon cœur.